On arrive. Yeah, écoute. Ça c'est pour les gars en cellule, les tours en béton. Et les autres de notre colline, d'un œil nous les guettons. Je rappe pour les malfrats, pour toutes les têtes brûlées. Pour tous ceux chez qui l'esprit de haine a mué. C'est tout l'erreur Tissa, qui ont le cœur meurtri là. Qui vont casse-pipe parce qu'ils ont grosse dans le post-liga. Pour tous mes soldats qui vivent dans ma zone. Ceux pour qui Paname est un marécage d'Amazon. Ici y'a que des vicieux, des putains de rageux. Des condamnés haineux qui passeront jamais aux aveux. J'rappe pour mes frères de sang, de couleur, pour nos mères. Pour effacer nos douleurs et gommer nos colères. T'as vu les sous-sols ici, sont remplis de canons sciés. C'est rempli de victimes aussi que la mort a dû plier. J'rappe pour mes matelots dont le navire a coulé. Pour ceux qui ont glissé parce que la chance les a couillés. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous baiser. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous baisser. J'rappe pour les gueules palafrées, les gueules de brigands. Pour ceux qui ont un casier judiciaire intrigant. Pour ceux qui se tiennent debout, là au bord du gouffre. Qui ont le canon sur la tempe car ils ont le cœur qui souffre. J'rappe pour les barbares qui sont pas civilisés. Qui ont la rage et qui sont pas immunisés. J'rappe aussi pour les oubliés du système. Pour les salopes et de sans pas viser si j't'aime. Pour tous ces gants cavales qui ont pas le choix d'être dealers. Qui portent un gilet pare-balles parce qu'on les a dans le viseur. Pour les timbrés, les psychopathes, les fêlés. Ceux qui avancent pas parce que les portes se sont scellées. J'rappe pour les têtes frisées, aussi les têtes pelées. Qui démarrent au quart de tour car le crâne est martelé. J'rappe pour les enculés, j't'ai dit pour les salauds. Pour les quartiers dans lesquels connaît Kadhafi ni salaud. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous baiser. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous piéger. J'ai entendu dire qu'on était trop violent. Et que sur les routes du crime, les banlieusards étaient au volant. Chez nous c'est bizarre, les chants ont tous des crinières. Et on fait nos siestes allongées sur des putains de civières. On fait disparaître les pièces à conviction dans le ciment. Et c'est le bise qui nourrit mon régiment. J'rappe pour une jungle, un milieu hostile. Où les mecs en ray-ban classique ont trop de style. On nous a coupé le cordon avec une scie à métaux. Et c'est un temps de plus chaque jour qui s'abat sur notre ghetto. Rien à perdre, notre départ est déjà loupé. On a touché la merde et souvent la goûté. La Seine-Saint-Denis, le crime brodé sur les tuniques. Partout y'a le feu et ça rend le département unique. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous baiser. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous baiser. C'est notre univers, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous piéger, mec ici, impossible de nous. C'est notre univers, notre département. Notre banlieue avec ses bombes à retardement. Et si tu crois que c'est possible de nous. Mec ici, impossible de nous.